Ouais, donc du coup ça relance. Donc là du coup je prends le rôle de modératrice. C'est à moins que quelqu'un d'autre veuille. Bon, je lance ton intervention et puis quelqu'un d'autre prendra le rôle de modérateur. Donc on a lancé depuis samedi dernier une nouvelle forme, un peu on peut dire, d'intervention qui est j'ai lu pour vous. Donc notre deuxième partisan de ce type d'intervention est là aujourd'hui. C'est Alan qui va venir nous parler de 1984 de Orwell. Donc en plus ça enchaîne bien sur le débat qu'on a vu dernière d'Amazon sur la zone du dehors qui se passe en 2084. Donc là on revient en arrière, 100 ans en arrière ou en arrière par rapport à 2017, je sais pas. Donc Alan, je te passe la parole. Merci Adèle. Alors, 1984 qui terrifie tout le monde, qui fait du bruit, qui aura marqué l'histoire et que pourtant personne ne comprend, hein, il faut le dire. Il y a beaucoup de gens qui lisent et qui retiennent une partie du bouquin et l'autre partie, elle est évacuée, évacuée, évacuée. Donc je vais faire une petite lecture personnelle, très personnelle, sur laquelle il pourrait y avoir des réponses critiques. Donc l'histoire, c'est un personnage, Winston, qui appartient à la bourgeoisie, on va dire à la moyenne bourgeoisie d'une époque utopiste qui n'existe pas. Cette époque, c'est 1984. Orwell, quand il écrit le livre, il imagine ce que pourrait devenir l'avenir, étant donné ce qu'il découvre, c'est-à-dire la guerre froide. Et là, il imagine une société de surveillance, donc de cette moyenne bourgeoisie, qui prend des rôles médiatiques, pour la plupart c'est médiatique ou artistique, parce que c'est aussi les romans, les chansons, la culture, et qui sont surveillés dans ce qu'ils écrivent, dans ce qu'ils pensent, dans ce qu'ils veulent, dans ce qu'ils désirent, dans leur vie la plus intime. La pire des choses qui soit, c'est d'aimer, d'être amoureux, ça leur est interdit. C'est une interdiction totale. En fait, dans cette société de contrôle, de surveillance, ce qui permet la surveillance, c'est qu'il y ait cette moyenne classe, cette classe moyenne qui soit déshumanisée, complètement déshumanisée. Avec des discussions, étant donné que cette classe moyenne est à l'origine des mots, est à l'origine des débats, peut être à l'origine des révolutions, elle voit la plupart de ces mots disparaître. Tout un système est mis en place pour contrôler les individus. Des caméras sont installées dans les logements. Des pièges sont installés partout dans la ville pour que ces individus se fassent piéger. Ouvrière, et ça personne ne le rappelle, hein, parce qu'on compare aujourd'hui, on dit on est dans une société de surveillance, mais dans 1984, la classe ouvrière n'est pas surveillée. Elle n'est pas surveillée. Donc on compare notre époque à 1984 avec erreur. Aujourd'hui, il va y avoir des salariés, il va y avoir des gens de gauche qui se plaignent d'être surveillés, alors que dans 1984, c'est cette classe moyenne qui est surveillée. Et donc, cette classe moyenne est à l'origine des journaux, des romans, du cinéma, de tout ce qui a trait à l'information, à la culture, à la pensée, à la réflexion. De cette société qui est mise en place, on suit l'histoire de Winston, un journaliste qui réécrit les articles de presse, donc qui réécrit l'histoire chaque jour pour adorer Big Brother. Big Brother, c'est un personnage, c'est une affiche, c'est un visage et c'est un nom. C'est le personnage qui représente un peu le Hitler du futur, le dictateur, le Staline, c'est le culte de la personnalité. Ce Big Brother, la classe moyenne est contrainte de l'adorer. On ne peut rien aimer d'autre. On ne peut aimer personne d'autre. Personne. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des gens qui existent et qui fasse avancer le cerveau, comme si le cerveau était remplacé par une machine. Et ce que personne n'a noté, c'est que tout a été supprimé, les stratèges militaires, il ne reste que la police de la pensée, a été supprimé également tout ce qui sont les inventions. Plus rien n'est inventé. On a une société qui est volontairement maintenue dans la misère. Et de toutes ces choses, il ne reste qu'une seule chose, en fait, c'est l'art. Les artistes et les auteurs. Parce que personne n'a vu parler des auteurs. Personne ne relève ça. Alors qu'il ne reste que ça. C'est-à-dire que le livre prétend que si l'on souhaite contrôler une population, il faut supprimer tous les métiers, sauf les plus simples, le travail de la terre, et garder une classe artistique, culturelle, qui ne puisse pas s'adresser à une autre classe moyenne. Il n'y a plus d'autre classe moyenne que cette classe des artistes et des auteurs. Ils sont contrôlés et s'adressent seulement, on va dire, aux ouvriers. Et c'est là que tout se joue. C'est que l'auteur s'adresse avant tout à la classe moyenne. Mais il s'adresse avant tout à la classe moyenne. Celle qui est capable d'envisager que ce qu'elle pensait être n'est pas forcément. Celle qui est capable de se cultiver, de se poser des questions. Mais on se dit, 1984, c'est quoi? C'est un guide pour un dictateur. Je veux dire, moi, un dictateur, il tombe avec ça dans les mains. Moi, je flippe. Je flippe parce que franchement, il y a tout. Il y a même comment mettre en place une bonne propagande. Oh, c'est une bonne propagande. George Orwell, il distribue ça aux dictateurs, on est mort, quoi. Personne n'a vu que 1984 avait marqué l'histoire. Marqué l'histoire. C'est le contrat social de notre siècle, ou plutôt du siècle précédent. C'est le contrat social. Ce n'est pas un contrat social qui déclenchera une révolution. C'est un contrat social qui est tourné vers les dictateurs. Parce que tous les conseils de surveillance qui sont donnés dans 1984, c'est de la merde. C'est de la merde. Ce mec a piégé tout plein d'organismes de surveillance qui se focalisent tellement sur les détails que le bouquin, il a vraiment eu une influence, un impact gigantesque, qu'ils ne font même plus ce que les nazis faisaient. Ils se contentent de contrôler les journaux. Ils se contentent de contrôler les artistes. Ils se contentent de ça avec des formes primaires, absurdes. Le novlangue aujourd'hui existe et est utilisé. De nombreuses sociétés qui sont dans la surveillance n'ont pas compris que cette surveillance proposée par Orwell ne fonctionnera pas. Et c'est l'objectif du livre. Le livre a été écrit non pas pour faire plaisir et amuser les gens en disant « Ah, vous y... » mais pour désorienter d'éventuelles mauvaises intentions. George Orwell a vu ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre et sa première peur, c'est quoi? C'est que ça recommence. Il ne va pas annoncer « Je me bats contre la dictature en leur donnant des conseils de merde ». Les gens, il faut bien qu'ils les suivent, ces conseils de merde, s'ils veulent qu'ils se plantent. Bon, c'est impossible. C'est-à-dire que, je vais vous donner un exemple, il y a des pièges qui sont disséminés dans toute la ville. Par exemple, il y a une fausse boutique qui vend des vieux objets. Ils savent nécessairement que les artistes, les auteurs vont s'intéresser à leur histoire. À leur histoire, il faut bien s'inspirer un peu. Et donc, du coup, ils créent une fausse boutique avec des faux vieux objets, pour voir si on n'aurait pas un ou deux qui iront acheter un bouquin ou des trucs comme ça. Mais un auteur qui sait qu'il est surveillé, il sait qu'il va y avoir des pièges qui vont être disséminés tout autour de lui. Il n'est pas con quand même. George Orwell a réussi à faire croire à ces putains de sociétés les auteurs pourraient pas envisager un seul instant qu'on irait les piéger comme ça. C'est complètement absurde. Et tout le livre repose sur ça. Et le livre est truffé de secrets que peu de gens peuvent comprendre. Il s'adresse, pour quelqu'un comme moi, dont c'est le métier, c'est une lecture très intime. Il faut savoir que j'ai pleuré plusieurs fois en lisant ce bouquin. Parce que aujourd'hui, un auteur, un artiste est contrôlé. Nous sommes encore dans une époque où les auteurs et les artistes sont contrôlés. Où la moindre de leurs initiatives est interprétée. Interpréter, qu'est-ce qu'il pense ? Qu'est-ce qu'il pense ? Qu'est-ce qu'il veut là ? Là, il veut quoi ? Il fait quoi ? Qu'est-ce qu'il fait là ? Et là, il va où ? Et là, et là. On est dans cette société-là. C'est construit quelque chose comme ça. C'est pas la question que moi, je pose, qui est comment redonner confiance en les auteurs. Lui, il se contente de donner des conseils aux auteurs et de donner des indications sur les origines. Sur les origines du problème. Quel est le problème ? Pourquoi y a-t-il sans les auteurs ? Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi est-ce qu'on irait jusqu'à contrôler le moindre de leurs écrits ? Et le jour où ils vont écrire un petit peu ailleurs, c'est qu'il s'est passé quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé ? Et il pose des questions, il pose des bases extrêmement intéressantes. Pas par sécurité. Si ce n'est peut-être cette question de l'amour qu'il pose. La fin paraît aux yeux de beaucoup. La fin, je vais vous la lire. Donc tout long, on le torture pour qu'il pense à Big Brother, qu'il ne pense plus qu'à Big Brother, il n'y a plus que ça, il n'y a plus que... C'est son chef, c'est celui. Et la conclusion, elle dit ça. Il regarda les... Donc il s'est fait torturer, hein, on l'a torturé jusqu'à ce qu'il aime Big Brother, hein, donc le pauvre... Mais il y en a, ils aiment l'amour, là, c'est le contraire. C'est... Et ça se termine sur... Il regarda les normes. Il lui avait fallu 40 ans pour savoir quelle sorte de sourire se cachait sous la moustache noire de Big Brother. Oh, cruelle et inutile incompréhension. Obstinée, volontairement exilée de la poitrine aimante. Deux larmes lui coulèrent de chaque côté du nez, mais il allait bien, tout allait bien. Et la conclusion ? La lutte était terminée. Il avait remporté la victoire sur lui-même. Il aimait Big Brother. Et je sais, glauque, mais moi je me suis tapé un putain de fou rire à la fin de ce bouquin. Parce que ce qu'il dit, c'est que l'obsession de la surveillance des auteurs, cette obsession gigantesque qui paraît, on pourrait soulever des montagnes pour savoir ce qu'ils vont écrire, c'est parce qu'on souhaite qu'ils nous aiment. Et c'est un beau foutage de gueule, en même temps, d'imaginer qu'on puisse mettre en place une société de surveillance pour s'assurer que quelqu'un nous aimera et prendra notre parti. Va-t-il prendre notre parti ou ira-t-il contre nous ? Et toute la question du livre est là, c'est le parti. Le parti. Le parti. En fait, il n'y a qu'un seul parti, donc c'est plus un parti. Mais derrière le mot « le parti » est évoqué le fait qu'il pourrait exister autre chose. Et il existe un autre personnage qui incarne la liberté, dont j'ai oublié le nom dans le livre, j'oublie toujours les noms. Et pendant cette semaine de la haine, ils doivent haïr ceux qui aiment la liberté, qui aiment la pensée, discuter, etc. Et donc, ils lui jettent des dictionnaires dessus, ils gueulent, ils font les singes et tout. On leur fait faire une mise en scène de haine. En tant qu'auteur, tout ce que tu dois évoquer, c'est la haine. La haine, le mensonge. Le mensonge, la haine. Et c'est là que se pose la question de l'autre réalité. Il y a Big Brother d'un côté et il existe une autre réalité à côté. Et cette réalité, quelle est-elle ? Quelle est-elle ? Et le livre n'y répond pas. C'est-à-dire, il parle un peu vaguement de la liberté, il parle vaguement de X ou Y, mais il ne dit pas pu faire en sorte que son personnage réussisse à rentrer dans la rébellion, devienne un beau rebelle qui écrit des textes de lutte, libre et engagé. Mais non. Le personnage, la seule transgression qu'il s'offre, c'est une histoire d'amour. Et c'est là qu'il commet un crime. Et c'est là qu'on se pose la question, mais alors si un auteur être rebelle, c'est l'histoire d'amour. Alors, que se passe-t-il ? Quelle est cette chose, cette autre chose que le parti ? le parti, la surveillance, le parti, cette espèce d'engrenage pour s'assurer que l'auteur ira dans le bon sens. Qu'est-ce que ça représente? Y a-t-il un secret que les auteurs auraient et qui serait en dehors du parti? Il existe autre chose que cette société de surveillance. Et toute la réponse est là. Oui, bien sûr. C'est un piège, ce bouquin. Et franchement, les services secrets, ils sont plongés dedans. Et ils ont tort. Ils ont tort. Qu'est-ce que vous voulez faire? Chez tous les trucs, tous les textes, tous les machins et tout pendant des heures et des heures et des heures. Et puis vous réécoutez les discussions en boucle et tout. Vous tombez fou. Au bout d'un moment, vous ne savez plus faire la différence entre là, attends, il a dit ça, là, c'était pour, c'était vrai. Là, c'était, voilà. Vous tombez fou. Donc, bien sûr qu'il existe autre chose que le parti, que cette société de surveillance. Il existe autre chose. Il existe l'art. Il existe l'abolien, la liberté. Il existe énormément de choses. Toutes ces choses que les auteurs traitent, et les artistes, etc., etc., et le cinéma. Et tout le monde s'est attaché à cette société de surveillance où on serait surveillé ou je ne sais quoi. Et moi, je vais vous dire, si vous n'êtes pas auteur, c'est que vous êtes normal. C'est ça que le bouquin dit. Si vous n'êtes pas artiste, le gars, on lui demande d'écrire. Alors, on lui demande inutile de réécrire des passages, de réécrire l'histoire, de commenter, de revenir en arrière, de réeffacer des mots. Et on le fait tourner en boucle pour qu'il écrive des choses complètement... En vérité, c'est un personnage dans un bocal. Et à côté, le reste du monde qu'il observe. Il observe cette ouvrière à travers la fenêtre, sa petite fenêtre. Il est comme ça, en train de... Et il voit qu'il chante. Elle n'a pas grand-chose, hein. Elle n'a pas grand-chose pour vivre. Mais elle chante. Elle s'en fout, elle chante mal, mais bon... Non, si, je crois qu'elle a une jolie voix, mais bref. Et c'est ici que les gens se voyant la société de surveillance, comme si tout le monde était concerné. En réalité, c'est le monde de la culture qui est concerné. Qui est concerné par quelque chose qui a été provoqué par ce bouquin. Passer au débat ? Oui, avec minimum. Merci. Qui a été provoqué par le bouquin, qui est d'orienter une part du nazisme qui pourrait ressurgir vers quelque chose qui ne fonctionnera pas. Avec l'espoir que pendant ce temps-là, on trouve d'autres issues. C'est un travail culturel de redonner une place au monde de la culture dans notre société qui a l'air d'être un enjeu et qui est pourtant devenu un enjeu fondamental. Sachez que la plupart des attentats terroristes visent des lieux culturels ou touristiques, que des livres sont brûlés et que des musiciens ou des dessinateurs sont pris pour cible. C'est un enjeu fondamental. Et voilà. Super, merci. J'ai beaucoup aimé ta vision des choses. Moi, j'ai pas lu le livre, mais j'aime beaucoup ton interprétation. On sent que tu as vraiment ta vision du livre, quoi. Et du coup, c'est pour ça que je pense que ça peut être intéressant le débat, parce qu'il doit y avoir d'autres. Donc, est-ce que quelqu'un veut ? Tenez. Bonjour à tous. Moi, ça fait très longtemps que j'ai pas lu le livre, donc il est possible que je dise des bêtises. Auquel cas, tu me corrigeras. Puisque tu sembles avoir une mémoire beaucoup plus proche, disons, de lecture. Moi, tu as dit à un moment, la classe ouvrière dans ce roman est heureuse, et uniquement la classe moyenne qui est sujette, au fond, à la dictature. Moi, je me demande si c'est vraiment ça le message d'Orwell, parce qu'au contraire, ce qu'il me semble, c'est qu'il veut montrer justement qu'à partir du moment... Désorbe la classe ouvrière dans la classe moyenne, c'est-à-dire, pour dire les choses plus vulgairement, à partir du moment où on embourgeoise la classe ouvrière, il n'y a plus de possibilité, justement, de dépassement de la société et de l'oppression. Et je pense que cette interprétation est crédible. de l'histoire de George Orwell. George Orwell, il ne faut jamais oublier que ça a été quand même un militant. Un militant engagé, puisqu'il a été militant pendant la guerre d'Espagne, aux côtés du POUM, aux côtés du Parti d'ouvriers d'unification marxiste, c'est-à-dire un parti qui luttait à la fois contre le franquisme et contre le stalinisme. Et je crois que, enfin, autant que je puisse me souvenir, mais je répète, ça fait longtemps que je ne l'ai pas lu, donc il est possible que je dise des bêtises. Et je crois que 1984, c'est une critique non seulement de la société capitalinale, justement, quand elle a résorbé toute la classe ouvrière, mais aussi du stalinisme. Merci. Alors, je veux juste faire un rappel. Voilà, on est sur le livre de George Orwell, 1984. Donc Alan vient de nous faire une présentation et puis maintenant vous pouvez réagir par rapport au livre. Moi c'est pareil, j'ai lu ce livre il y a très longtemps et en plus je l'ai jamais fini quoi. J'avais vu le film aussi, hein. Mais ouais, là il y a un truc que tu passes sous silence et qui est super important. Déjà, je pense qu'ils pensent, comme pas mal de gens, que c'est en fait les classes moyennes qui font la révolution, pas le prolétariat, enfin pas le... En plus, je me souviens, il y avait Océania, comment ça s'appelait, il y avait trois, Etasia et donc après, il faudra voir c'était quoi ces trois, je me souviens plus trop quelle était, si tu peux nous rappeler, parce que moi j'ai vraiment un peu perdu. Donc voilà, un truc qui est super important, voilà, je pense que tu négliges, et que pourtant on en parle beaucoup, on parle de Big Brother, mais on parle d'un nouveau langue, et ça t'en parles pas assez là. Et ça c'est super important, puisque c'est avec la nouveau langue que tu contrôles tout le reste, en fait. Et en fait, et ce que tu parles, le peuple d'en bas, il est endoctriné, il a pas besoin d'être contrôlé, il est endoctriné. Ce qu'il produit justement, les classes moyennes, ceux qui produisent des écrits, etc. Et donc, on invente ça, la neuve langue, la fameuse neuve langue. Alors, je rappelle un peu, pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'était que la neuve langue, enfin, selon Orwell, enfin, ça vient d'Orwell, hein. C'est en fait l'idée, c'est une idée que une des mots, pour pas qu'il y ait de problème, enfin, je m'explique, par exemple, tout ce qui a trait au meurtre, bon, après, c'est un délire, hein. Moi, j'y crois pas, enfin, personnellement, enfin, c'est même pas que j'y crois pas, je pense que c'est pas les mots qui font les meurtres, etc., mais bon, et moi non plus, hein. C'est pareil. Mais évidemment. Mais dans le livre, ça fonctionne dans le livre. Donc, bien sûr, si c'est un livre de science-fiction, évidemment, il y a une guerre nucléaire en 50 et après, voilà, on arrive. Donc, simplement, en contrôlant la langue, l'idée c'est qu'on contrôle la langue. En fait, l'idée c'est qu'on endoctrine les gens. Donc, ceux qu'il faut toucher, c'est ceux qui sont dangereux. Et ceux qui sont dangereux, c'est les classes moyennes. Parce que les en fait, et l'idée elle est bonne en fait, parce que ceux qui ont faim, ils cherchent à manger, ils sont facilement... Aristote l'avait dit en son temps déjà, hein. il disait faut bannir les riches de la cité, parce que les riches ils sont dangereux, pourquoi? Parce que non seulement ils peuvent corrompre les politiques avec l'argent, mais surtout c'est que les pauvres, c'est qu'il y a des riches, c'est parce qu'il y a des riches qu'il y a des pauvres, qu'il y a des riches, hein. Ça c'est vachement important comme raisonnement, c'est Aristote qui raconte ça, mais c'est parce qu'il y a des gens qui prennent le gros paquet du gâteau que les autres ils sont que les miettes, hein. Voilà. C'est une question de partage. La politique, d'ailleurs, ça doit être qu'une question de partage. Enfin, là, je fais mon petit... ma petite... Bon, juste pour revenir à 24, et c'est important. Donc, comme le disait Aristote, les pauvres, ils sont capables... Les pauvres, ils pensent qu'à manger. Ils n'ont pas le temps de réfléchir. Ils pensent qu'à bouffer, ils travaillent, ils n'ont pas le temps de réfléchir. Le mec qui est problème... Mais c'est l'autre jour, il y a une dame qui est venue Monday. Simone Day, elle a essayé, d'aller travailler en usine et à s'apercevoir, j'ai pas eu mes coups de pur. C'est bon, tu me suis, hein? Simone Veil était travailler en usine et elle s'apercevait, volontairement, hein. C'était quelqu'un qui était normalienne, comme a fait après Linhart, un monsieur qui s'appelle Daniel Linhart, qui a écrit un livre qui s'appelle L'établi, si ceux que ça intéresse, c'est super intéressant. Voilà. Ces gens-là, ils ont constaté assez rapidement que quand tu vas travailler en usine, Laurent, tu rentres le soir, t'as pas envie de lire, t'es cassé, quoi. Donc tu peux pas, c'est pour ça que c'est les classes moyennes qu'on vise. Eux, comme le disait Aristote, le pauvre, il s'intéresse qu'à une chose, c'est manger. Donc il peut se faire attraper par n'importe quel tyran, n'importe quel démagogue venu, voilà. Et il peut être violent, etc. parce qu'il a faim, tu vois, le mec qui est tout en bas. Et donc c'est pour ça qu'Orwell, justement, il vence, hein. Après, c'est moins... Et en plus, voilà, je te dis, l'idée, c'est d'endoctriner les gens. Tu les endoctrines, ça suffit. Regarde, et c'est là où Orwell est fort et intéressant aujourd'hui, justement, et que je suis pas du tout d'accord avec toi, c'est que regarde ce qui se passe aujourd'hui. Il n'y a pas spécialement... Le plus important, c'est pas le contrôle. Le plus important, c'est l'endoctrinement. Voilà. Et rappelle-nous, si tu veux, les histoires d'Océaniens, les différentes... je ne me souviens plus, merci. Je vais en profiter pour dire que c'est pas tant une critique du capitalisme que ça, dans le sens où il avait quand même intérêt à, on va dire, à ne pas dire que l'Eustasia et l'Eurasia sont pas capitalistes et pourtant fonctionnent sur le même modèle. Il aurait dit, voilà, quand on veut critiquer le capitalisme, on dit ceux qui fonctionnent sur un autre modèle, ils sont heureux. Ce qui n'est pas le cas. Lui, même si il y a une critique du capitalisme à travers les chiffres qui sont toujours balayés. Et de la on y reviendra plus tard. Il faut bien voir que ce qui est ciblé avant tout, c'est cette le contrôle de l'information passe, comme disait Khaled, par le neuf langues, par le contrôle de la langue, en réduisant les mots. C'est-à-dire, on n'a plus qu'une société de chiffres avec quelques pour comprendre les chiffres. Et là, effectivement, ça fait penser à du capitalisme, mais on aurait pu imaginer un autre système de contrôle que un contrôle par les chiffres. En revanche, ça ne fonctionne pas. Ça ne peut pas fonctionner. C'est-à-dire que Orwell, il a protégé des générations d'auteurs et d'artistes. Aujourd'hui, les auteurs et les artistes trouvent des moyens de survivre qu'ils ne trouveraient pas dans une société nazie ou naziste, fasciste. Et du coup, il a inspiré le neuf langues pour piéger d'éventuelles élites qui souhaiteraient maintenir un contrôle malsain sur le monde de la culture. Et il a réussi. Moi, la question que je pose aujourd'hui en tant qu'auteur engagé, c'est comment est-ce qu'on sort de cette confrontation entre un pouvoir politique, politique dans le sens où c'est lui qui dit à un tel, toi tu vas là, toi tu vas là, toi tu vas là, toi tu vas là, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, parce que c'est ça qu'est Big Brother. Big Brother, c'est le pouvoir politique. Et ce pouvoir culturel, ce monde de la culture, comment est-ce qu'on trouve un équilibre et qu'on est, on sort de la confrontation historique et qu'on entre dans une société de la diversité. Ça, c'est quelque chose de fondamental à mes yeux. Et effectivement, le capitalisme est anticulturel, c'est clair. Anticulturel, il a des conséquences néfaste. Donc, il y a une critique du capitalisme, mais ça n'est pas le fondamental du livre. C'est-à-dire que le livre va au-delà d'une société où les gens ils sont toujours plus riches ou des choses comme ça. La critique du capitalisme, elle est très faiblarde, peu travaillée. C'est pas une critique vers Orwell, pas du tout. C'est plutôt qu'il n'a pas voulu concentrer le livre sur le capitalisme parce qu'il démontre. Et il dit que l'Eurasia et l'Eustasia fonctionnent sur d'autres, ont d'autres idéologies, on va dire. Et il dit même que Big Brother a vaincu les capitalistes. Il dit Big Brother, il a vaincu les capitalistes. Donc, Tu voulais réagir directement ou il va passer le micro. C'est parce qu'en fait, ouais, je voulais rebondir sur cette histoire de neuf langues, etc. Et que, en fait, ce qui montre bien, je trouve, dans ce livre, c'est que la langue, c'est super important. Et que la politique, même la politique, c'est une guerre de mots. C'est ça ce qui se passe aujourd'hui. Ce qu'il faut, c'est s'emparer des mots, c'est les glissements sémantiques, en fait. C'est s'emparer des mots, leur donner un autre sens. Comme la démocratie, comme tous les mots, hein. La souveraineté. Regarde tous les mots qui, en politique, ils ont un autre sens. Et après, pareil, regarde tous les mots économiques qui sont arrivés en anglais. Regarde tous les mots anglais, tous les mots d'origine capitale. Voilà. C'est juste, et il le contrôle le langage en fait. Et c'est comme ça aussi, mais c'est super important. Après, ton histoire d'artiste, c'est vachement simple. Hein. Les artistes, tu sais, dans un gouvernement représentatif libéral, les artistes, bah, il suffit de pas envie de médiatiser, tu les médiatises, et ceux que tu n'as pas envie de médiatiser, tu les médiatises pas. Il suffit simplement de contrôler les médias, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Hein. Je veux dire, les gens qui sont dérangeants, ils passent pas à la télé. Hein. Le mec qui dérange vraiment, il passe pas à la télé. Hein. Là, quand le mec il passe à la télé, tu peux te dire qu'il dérange pas. Tu peux être sûr. Problème. Voilà. C'est juste pour rebondir sur les deux choses. Et le langage, la politique, c'est une guerre des mots, quoi. C'est super important, le langage. C'est super, super important. Et c'est que ça. C'est que ça. Tu regardes la Révolution française, c'est que de la guerre des mots. Les mecs, ils te parlent de peuple. Le même, quand tu utilises le mot peuple, qu'est-ce que tu mets derrière? Tu vois, le peuple, pour un mec comme Seyès, c'était le suffrage transitoire. Hein. C'était que les riches qui votaient. Tu vois, etc., etc. C'est, voilà, c'est tout. Les mots, c'est super important. Voilà, pardon. Donc voilà, là, je voulais parler. Donc, justement, le... Donc, et les médias et les journalistes, donc, sont, disons, sur la même... disons, c'est sur le même problème que les artistes, d'accord. Donc, à savoir que même ici, justement, pour que, je sais pas, qu'une chaîne de télé soit diffusée sur le réseau hertzien, il faut l'accord du CSA. Déjà, faut dire ça. Le CSA, c'est une censure. Voilà. Ou sinon, si notre média n'arrive pas à être diffusé sur réseau hertzien, ben, il y a Internet. Mais le problème d'Internet, qui c'est qui a accès à Internet justement? Les classes moyennes ont Internet chez eux. Les ouvriers l'ont beaucoup moins aussi. Donc il y a aussi le problème de la fracture numérique. Voilà. Et déjà une fois, j'ai participé à une réunion pour une élection cantonale. Donc j'ai demandé. J'ai demandé à ce que soit mis dans le programme, dans les logements sociaux, accès Internet gratuit pour les occupants. Voilà, donc, et ça a été inscrit dans le programme de la cantonale. Seulement, la candidate qui était PCF à l'époque, on n'a fait que 10%. Je réitère toujours ma proposition, c'est-à-dire mettre Internet gratuit dans tous les logements sociaux. Déjà pour réduire la fracture et que justement que les collectivités, c'est-à-dire que les collectivités multiplient le nombre de bornes Wi-Fi sur le territoire, donc pour donner un accès plus large. Tu veux réagir ou je... Je trouve cette proposition-là intéressante. C'est ce qu'elle véhicule, c'est la liberté de pouvoir aller sur Internet, de pouvoir s'informer, de pouvoir... c'est ça que ça véhicule. Et cette liberté-là, elle est fondamentale. Fondamentale. Il y a l'eau qui arrive vers toi. Ouais. Donc moi, là, ça va plus être mon interprétation personnelle de 1984. Déjà, 1984, c'est une dystopie. C'est-à-dire que c'est exactement le contraire d'une utopie. Quand il a écrit ce roman, c'était un cri d'alarme pour dénoncer une possible dérive de nos sociétés occidentales. Ça fait partie de mon interprétation. On a parlé du novlangue tout à l'heure. Le novlangue, en fait, c'est, on va dire, c'est une parabole qu'a utilisée George Orwell pour montrer l'importance du langage, la définition des modes de pensée d'un groupe d'individus. Et donc, il a utilisé un biais simple, il a supprimé certains mots du vocabulaire pour montrer que de cette manière, les personnes se trouvaient privées d'instruire certaines idées ou certaines émotions. Voilà. Et donc, ce qui m'inquiète le plus, moi, dans 1984, c'est que c'était une dystopie. Et aujourd'hui, plus par intérêt financier, économique ou ce que vous voulez, certaines choses qui étaient des cauchemars par George Orwell sont présentées aujourd'hui comme des modèles de société. Je pense entre autres à l'émission de télé Big Brother, hein, ça a été le Loft en français, où c'est exactement une reprise d'une pratique qu'il y a dans 1984, qui était une façon de contrôler. Et aujourd'hui, on en a fait un jeu, un divertissement télé. Oui, c'est ce que j'ai. Et en ce sens, je te rejoins, dans George Orwell, en 1984, se contentait de contrôler les classes moyennes. Pour qu'elles conditionnent et, on va dire, acculturent les classes inférieures, les classes populaires, ouvrières, agricoles et autres. Et donc, il n'y a plus besoin de les contrôler, puisque il suffit de contrôler les gens qui les conditionnent. Et effectivement, contrairement à ce que tu dis, pour moi, il est en train d'être mis en place. Et simplement parce que les gens ont trouvé un intérêt économique dedans. Tu veux réagir ou je passe directement le micro? Oui, bah, tout à l'heure, c'est disait que bon, les, à l'heure actuelle, bon, on n'est pas obligé d'avoir un ordinateur. L'essentiel pour se servir d'un un ordinateur, il faut d'abord se former. Bah, vous voyez, chez moi, moi, j'ai pas. Mais je viens à la mairie du 3e, je paye 15 euros à l'année et 6 heures par semaine, je touche l'ordinateur. Ou alors à ce moment-là, vous allez dans les comment on appelle ça, les bibliothèques. Mais si on ne sait pas l'ordinateur, ce n'est pas la peine. Ici, dans ce café, vous pouvez vous servir d'un ordinateur à la condition, là, ici, devant vous, de consommer. Là. Vous rentrez dans le café, vous dites, voilà, je prends un demi, tout de suite, on va vous donner le mot de passe pour acheter. Mais, alors, si vous arrivez avec, et puis déjà, premièrement, une chose, il faut pouvoir s'acheter l'ordinateur. Et après, quand on l'a, il faut suivre une petite formation pour savoir comment faire un mail, envoyer des messages, des trucs comme ça. Bon, la personne qui se lève à 6 heures du matin et le soir quand elle rentre, moi j'en vois dans le métro, ils sont en train de dormir, et bien ceux-là, ils ne pensent pas aller regarder Internet. Ils sont crevés. On en voit souvent dormir. La personne qui peut, c'est ou la retraite, ou alors une personne qui n'est pas trop fatigué, qui sort du bureau ou qui a travaillé dans les magasins. Et sinon, voilà, ça démérite une formation. Et après, avec votre ordinateur, et par public, vous avez pour la Wi-Fi, et ben, il faut savoir comment qu'on peut y accéder. Et alors on vous dit, faites votre email et après, hein, la mairie de Paris, c'est pareil, vous avez plein de trucs, vous arrivez avec votre ordinateur, vous le branchez, et puis on vous dit ben, votre email, et après... Vous avez accès, même dans ces cafés-là. Donc, c'est la formation, et si on se sent bien informé, après, il faut pouvoir acheter un ordinateur. Voilà. Du coup, tu voulais parler. Est-ce que quelqu'un d'autre... Donc, je rappelle, on parle de 1984, le livre de George Orwell, qui nous a fait une présentation, et puis maintenant, bah, y a un débat autour de ce livre. Tiens. Je vous passe la parole à... Ah, ok, d'accord. C'est... En fait, bonjour, moi c'est Swazik, 23 ans, je suis autiste de naissance, voilà. Étant passionnée de livres, j'ai pas encore lu votre livre, mais ce qui paraît, il doit être bien. Mais juste parler de mon handicap, simplement comme ça. Donc l'autisme dont je suis atteinte, c'est le syndrome d'Asperger, qui est le syndrome... tel qu'Einstein avait, genre les grands philosophes, certains philosophes l'ont et tout ça. Voilà, et moi, on est à l'âge de 7 ans, puis à l'âge de 12 ans. Et mon combat, c'est que moi, j'ai été à l'école normale jusqu'à la 3e, mais je me suis fait harceler, voilà. Je suis désolée de raconter ça. Non, mais c'est pas grave, madame, vous avez le droit, hein, vous pouvez. Tu veux réagir ou je passe à... Tiens. Oui, c'est ça qui est bien ici. On peut dire toutes les conneries qu'on veut. C'est pas... Parler. Moi, je voulais dire à propos du livre, mais pas uniquement. C'est pas tellement une question de capitalisme ou autre chose. C'est une question d'humanité. Ce qui est en train de se passer, que ce soit à travers le langage ou à travers les... social, on va dire... Par exemple, l'exemple qui me vient à l'esprit tout de suite, c'est comment on accueille les réfugiés. On leur fait bien comprendre que c'est des êtres humains, d'accord, mais s'ils veulent rester là, il faut qu'ils soient plus humains. Sinon, une fois qu'ils renoncent à leur humanité, ils peuvent venir travailler, payer des impôts, etc. Il n'y a pas de problème. Et disons, il y a des, comment dire, des preuves, d'une certaine manière, que la première, c'est l'absence de liberté de parole. Et la deuxième, c'est l'absence de liberté sexuelle, quoi qu'on en dise. C'est-à-dire, on peut consommer du sexe, mais faire l'amour, c'est autre chose. Et une autre chose, c'est la peur. La peur qui réveille l'instinct. C'est-à-dire, tout ce qui est fait d'une manière à faire peur. Et que l'être humain, c'est quelqu'un qui réfléchit, en principe. Donc quand on a peur, on ne réfléchit plus. On se comporte instinctivement pour ou contre quelqu'un, on s'identifie au plus fort et on veut gagner contre les faibles, contre les menaces, on invente des menaces s'il n'y en a pas. Et on projette plein de choses sur les autres et dire non, moi je suis humain mais pas les autres. Moi je suis bon, moi j'ai des bonnes intentions, des bons sentiments, etc., etc. Et ça, à mon avis, ça vaut autant pour ceux qui refusent les immigrés, on va dire, autant que pour ceux qui les acceptent a priori, parce que il faut accueillir, voilà, ça fait partie de, comment dire, de la société française. Et pour moi, si c'est en tant qu'être humain, et c'est tout, pas en tant que Français. Et c'est pareil pour tout ce qui est culture. Tous ceux qui arrivent ont déjà une culture qui peut être la culture française. Mais moi, je trouve indécent qu'on n'en parle jamais. D'ailleurs, même radio, télévision, on ne diffuse jamais de musique de culture étrangère, à part américaine, bien sûr. Mais de poésie ou d'art religieux, etc. Et c'est, pour moi, c'est complètement inhumain, incompréhensible. C'est me prendre vraiment pour un animal. Tu veux ? Oui. Eh ben, Didier, effectivement, tu disais comment est-ce qu'on fait pour accepter, pour tolérer ? Tu n'as pas employé le mot d'intolérance, Didier. Je pense que l'intolérance, c'est... ce bouquin-là, je sais pas si tu as pu avoir l'occasion de le lire. Je te remercie d'avoir écouté mon intervention. Il parle d'intolérance. Tu parlais de l'amour, j'ai pu en parler. C'est l'un des... Il parle d'intolérance. De l'intolérance. C'est-à-dire de pas avoir le droit d'aimer. Moi aussi j'en parle. C'est le fondamental. L'intolérance. L'intolérance. Et l'intolérance, ça peut être ne pas accepter l'étranger. Ça peut être ne pas accepter l'apparition d'un individu qu'on estime pas comme il faut. Et c'est de ça que parle le bouquin. C'est-à-dire que on invite l'individu à être comme il faut. Comme il faut. C'est ça qui est demandé à l'individu dans le bouquin, à Winston. C'est tout le sujet dont on parle, cette intolérance. Qu'est-ce qui est humain ou pas ? Franchement, il le déshumanise un max. Hein. L'humain, on peut le décrire en avec quelque chose de simple, un sourire, un peu de tu vois, d'ouverture d'esprit, quoi. Mais on peut aussi le décrire autrement, par la déshumanisation. Et le livre va très loin. C'est-à-dire qu'il torture le personnage, mais ce qu'ils veulent, c'est que le personnage aime Big Brother. Et alors qu'il est amoureux d'une jeune femme, ils vont le torturer jusqu'à ce qu'il finisse par la haïr. Et ils décrivent vraiment des scènes de torture odieuses. George Orwell, le récit, imaginé à la fin, il imagine des rats qui... le type déteste les rats, donc ils le foutent... Ah oui, ils lui font peur. Ils font sacrément peur. Et ils le foutent dans une cage où il y a des rats qui vont lui dévorer le visage. Et cette déshumanisation du personnage... Il décrit aussi comment le personnage se déshumanise, comment est-ce qu'on s'en lui. Comment est-ce qu'on lui fait perdre confiance en lui. Comment est-ce qu'on lui fait perdre l'envie de vivre. Et comment est-ce qu'on lui fait perdre son identité, en fait. Comment est-ce qu'on fait perdre son identité à un individu en le déshumanisant. Et c'est là qu'est l'humanité. À l'inverse de la déshumanisation. Tu comprends. Aujourd'hui, bah, il aime Big Brother. Hein. Alors ça, il adore, hein. Il aime grand frère. Grand frère, il lui donne une petite fessée et puis il... Merci. Est-ce que quelqu'un veut dire quelque chose encore? Donc, je rappelle, le thème, c'est 1984, le film de le livre de George Orwell. Est-ce que oui, il y a eu un film, mais donc, est-ce que quelqu'un veut réagir? Ou sinon, toi, tu termines, tu veux peut-être. Je sais pas quelle heure il est, j'ai pas l'heure sur moi. Ok. Donc voilà, je sais pas ce que t'en penses. Bah écoutez, je vous invite à lire. Hein. J'ai pas vu le film. Merci beaucoup. Bon après-midi à tous.